Deuxième livre des Chroniques, chapitre 27. Jotham était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jérusa, et elle était fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, comme Ozia son père avait fait, mais il n'entra pas comme lui au temple de l'Éternel, néanmoins le peuple se corrompait encore. Il bâtit la plus haute porte de la maison de l'Éternel, il bâtit beaucoup en la muraille d'Ophel. Il bâtit aussi des villes sur les montagnes de Juda, et des châteaux, et des tours dans les forêts. Et il combattit contre le roi des enfants de Ammon, et fut le plus fort, et cette année-là les enfants de Ammon, lui donnèrent 100 talents d'argent, et 10 000 corps de blé, et 10 000 d'orge. Les enfants de Ammon lui donnèrent ces choses-là, même la seconde et la troisième année. Jotham devint donc fort puissant, parce qu'il avait dirigé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des faits de Jotham, et tous ses combats et sa conduite, voilà, toutes ces choses sont écrites au livre des rois d'Israël et de Juda. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Puis Jotham s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit en la cité de David, et Achaz son fils régna en sa place.